بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence la partie numéro 3 dans cette conférence au sujet de moi j'ai écrit un nouveau titre pour ce cours dans mes fichiers parce que j'ai sauvegardé les derniers que j'ai fait la dernière fois, et le titre que j'avais mis c'était le lien entre la salat et l'éducation. C'était ça le titre que j'ai mis. Pour montrer en même temps l'importance de faire la salat à l'école, et que certaines écoles qui empêchent les musulmans de faire la salat, ou qui rendent la situation des musulmans pratiquants difficile, que ça représente un danger pour les musulmans, les jeunes musulmans en particulier. Et puis on a commencé par expliquer le jugement de l'islam, ou le verdict de la charia, au sujet de placer ses enfants dans des écoles non musulmanes. Et on a commencé par expliquer le jugement de ces écoles-là, non pas dans les pays non musulmans, mais dans les pays musulmans, c'est-à-dire les écoles étrangères non musulmanes qui sont ouvertes dans des pays musulmans, par exemple les écoles américaines, les écoles françaises, les écoles anglaises, les écoles laïques. À la base, c'était comme on expliquait, des écoles missionnaires, puis qui sont devenues maintenant des écoles laïques. Mais disons que leur mission continue toujours à, être le fait de vouloir éloigner les musulmans de la pratique de leur religion, et de s'attacher donc à la croyance islamique et aux principes de la charia de l'islam. Donc eux, les koufars, ils se cachent pas de ça. Ils se cachent pas du fait que ils veulent que les musulmans cessent de croire en la charia et de pratiquer la charia et de la mettre en application. Et ils se cachent pas du fait qu'ils veulent que les femmes musulmanes cessent de porter le voile, qu'elles cessent de porter le djilbab, le niqab. Ils considèrent que c'est un signe d'oppression, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'ils l'interprètent, et ils veulent imposer cette interprétation-là aux musulmans, aux femmes musulmanes et aux musulmans en général. Et ils veulent également appeler les musulmans à accepter leurs principes, leurs idéaux, leurs valeurs, leurs dogmes. À propos de la société, à propos de la politique, à propos de l'économie, à propos de la vie en général. D'accord? Donc, ils veulent dénaturer les musulmans et les séparer de leur religion, sans toutefois leur dire qu'ils sont en opposition avec leur religion. C'est-à-dire, tu peux te dire musulman, tu peux continuer à te dire musulman, mais en réalité, tu n'as plus rien qui reste en toi de musulman dans la croyance. C'est seulement, des choses que tu répètes, mais sans vraiment avoir la conviction dans tes fondements et dans tes principes, et sans le mettre en pratique. Donc, on continue dans la lecture de la parole de Cheikh Al-Sa'di, Abdurrahman Al-Sa'di, dans son texte qu'il a écrit au sujet des écoles étrangères qui sont dans les pays musulmans. Et j'avais mentionné au dernier cours le titre de ce texte-là. Et c'était « Nasihatun muhtasaratun fil hathi ala tamassuki bid-din wa tahdhir min al-madaris al-ajnabiyya ». Donc, nasiha résumée pour inciter les musulmans à rester accrochés et cramponnés à leur religion, et la mise en garde contre les écoles étrangères. Donc là où on était rendu, le cheikh Sa'di, il dit « وَهَذَا مُشَاهَدٌ فَإِنَّكَ تَجِدُ كَثِيرًا مِمَّنْ يَتَخَرَّجُونَ مِنَ الْمَدَارِسَ الْأَجْنَبِيَةِ الْمُؤَسَّسَ عَلَى الدَّعْوَةِ لِدِينِهِمْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْكِبْرِ وَاحْتِقَارِ غَيْرِهِمْ حَتَّى آبَاءَهُمْ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ احْتِرَامَهُ ويزعمون أنهم عرفوا ما لم يعرفوا وأنهم أهل المعرفة والعلم وغيرهم أهل الجهل والأمية وهم مع ذلك أجهل الخلق بعلوم الدين وبالعلوم النافعة التي ترفع أهلها في الدنيا والآخرة كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأخبر تعالى أن الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة هي لمن جمع بين العلم والإيمان الصحيح فهؤلاء الآباء الذين وضعوا أولادهم في المدارس الأجنبية قد خسروا دينهم ودنياهم ولا بد أن يجدوا بعض جزائهم في الدنيا قبل الآخرة فويل لهم من الجهتين ويل لهم مما أهملوهم وضيعوهم من علوم الدين وأخلاقه وأعماله وويل لهم من جنايتهم الكبرى إذ وضعوهم بين يدي أعداء الدين يلقون عليهم ما يريدون وعليكم السلام ورحمة الله حتى أخرجوهم من الدين فما ظنك بطفل أو ضعيف البصيرة أو سلمت أهله ووضعوه بين يدي معلم قد علمت عداوته للدين وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإلحاده والحامل لوليه على هذا ضعف الدين وضعف البصيرة والجهل الشديد ويظن بجهله أنه بذلك ينال المراتب الدنيوية والوظائف الراقية وهذا جهل واضح جهل فاضح فإن المراتب الدنيوية والرياسات لا تتوقف على التعاليم بهذه المدارس وكثيرا ما تكون حائلا عن ذلك كما كانت حائلا عن الدين. Donc on va traduire cette partie, après on va continuer inshallah. Donc le cheikh il explique ici, il dit tu trouves que beaucoup de gens qui sont gradués de ces écoles, qui sortent de ces écoles étrangères, qui sont basées sur l'idée d'appeler à leur religion. Et le cheikh il dit ici qu'ils appellent à leur religion, alors qu'en réalité c'est pas nécessairement aujourd'hui à leur religion qu'ils appellent. Hein? C'est vrai que par exemple il y a des écoles catholiques, il y a des écoles protestantes, il y a des écoles laïques. Donc celles qui sont catholiques ou qui sont par exemple protestantes ou chrétiennes, elles n'enseignent pas nécessairement la religion aux enfants musulmans dans ces écoles-là. Elles vont pas imposer aux enfants musulmans d'apprendre leur religion, sauf que c'est certain qu'il y aura une certaine influence quand même. Même s'ils n'enseignent pas la religion, mais il y aura quand même une transmission de certaines valeurs ou d'une certaine culture ou d'une certaine mentalité ou d'une certaine façon de voir le monde, hein. Et ça, c'est des choses qui sont inculquées à l'enfant, même si il se continue à se dire musulman, d'accord. Et le cheikh il explique, donc il dit que les enfants qui sortent de ces écoles-là, hein, dans lesquelles ils appellent à leur religion ou bien à leur mode de vie ou bien à leur idéologie, eh bien tu vas trouver chez eux une certaine fierté, une certaine orgueil ou arrogance. Je ne sais pas si ça rentre dans sous ce terme-là, parce que c'est une terminologie récente. Mais c'est sûr que tu vas prendre tu vas prendre un peu du caractère, de la personnalité des gens qui t'enseignent, hein. C'est normal, parce que les élèves sont influencés par leurs professeurs, hein, et par leurs enseignants, qu'ils le veuillent ou non. Et surtout dans l'éducation musulmane, parce que l'éducation musulmane, elle est basée sur le fait de montrer du respect envers l'enseignant, envers le cheikh, envers le professeur. Donc eux, ils vont même parfois appliquer ce principe-là avec des professeurs qui sont des professeurs non musulmans aussi. Hein? Donc c'est ça qui est dangereux à ce sujet-là. Et donc, ils vont avoir de l'orgueil, de l'arrogance, de la fierté, et ils vont mépriser les autres. Même ils vont mépriser leurs parents parfois. Hein? Parce qu'ils vont voir que leurs parents n'ont pas eu cette éducation-là, et ils n'ont pas appris les sciences et les choses qu'eux, ils ont connues. Hein? Des choses, et donc, ils ne vont pas avoir de respect envers eux. Ils ne vont pas avoir de respect envers les gens, même que c'est une obligation pour eux de les respecter. Naam. Donc, il dit, il pense qu'ils ont connu ce que leurs parents n'ont pas connu, ou ce que les musulmans en général dans leur pays n'ont pas connu. Même ils vont penser qu'ils sont parmi les gens de la science et de la connaissance, et que ce sont eux qui comprennent, alors que les autres sont des ignorants ou des illettrés. Donc ils se voient haut et ils voient le reste des gens en dessous d'eux, hein, bas. Et en réalité, le cheikh il dit, eux sont parmi les plus ignorantes des créatures au sujet des sciences de la religion et des sciences bénéfiques qui élèvent ceux qui possèdent cette science-là dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 11 dans Surat Al-Mujadala, que Allah Azza wa Jal élève ceux d'entre vous qui ont cru et qui font des bonnes œuvres en degré. Hein? Donc ceux qui ont fait des bonnes œuvres et qui ont reçu la science, il les élève en degré. Alors Allah Azza wa Jal, il nous informe dans ce verset-là que la réelle élévation, hein, dans ce bas monde et dans l'au-delà, est uniquement pour celui qui a réuni entre la connaissance de l'islam, la foi authentique. Donc la connaissance de l'islam et la foi authentique. Donc il dit, فَهَوْلَا الْأَبَى. Là, il s'adresse aux parents, aux responsables. Il dit, donc ces parents, ces musulmans, qui placent leurs enfants dans ces écoles étrangères, eh bien, ils ont perdu leur religion et ils ont perdu leur dunya. Et il dit, pourquoi? Parce que ils envoient leurs enfants chez les koufars pour apprendre. Et il dit, c'est certain qu'ils vont trouver une part de la rétribution du crime qu'ils ont fait dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc il dit, ils sont donc malheur à eux, hein, malheur à eux pour deux choses. Premièrement, parce qu'ils ont négligé, hein, d'enseigner à leurs enfants la connaissance de la religion et de leur inculquer le comportement et la pratique de l'islam. Et malheur à eux, deuxièmement, pour le crime, hein, capital qu'ils ont fait d'avoir placé leurs enfants entre les mains des ennemis de la religion. Allez, comment tu vas mettre tes enfants dans les mains de tes ennemis pour que tes ennemis les élèvent? Tes enfants vont sortir comment? Tes enfants vont devenir des ennemis de leur religion et de leur société. Ben ça, c'est ça que j'expliquais, c'est que si ces fatwas, les ulama les ont fait il y a le siècle passé, pour dire aux musulmans de ne pas laisser aller leurs enfants dans les écoles non musulmanes, dans les pays musulmans, imaginez la gravité de celui qui sort des pays musulmans pour aller vivre chez les koufars, et envoyer leurs enfants dans leurs écoles, dans leur pays. C'est encore plus grave. Hein? Donc c'est pour ça que l'influence à ce moment-là, elle est double. Non seulement qu'il y a l'influence de la société qui est déjà en train de faire le travail, hein, de corrompre et d'égarer ces enfants-là, mais en plus de ça, de les envoyer dans un milieu scolaire dans lequel tout est contraire à l'islam. Alors là, c'est encore pire. Et ça, je dis dans des écoles comme par exemple au Canada où en principe, tu as la liberté de pratiquer ta religion. Ils te laissent faire ta salat à l'école. Ils vont pas t'embêter. Si tu veux prier, ils vont te laisser prier. Et ça, c'est ici. Hein? Mais dans d'autres pays, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai entendu en France, où si des enfants veulent prier dans l'école, ils vont leur interdire de le faire sous prétexte que c'est des écoles laïques. Hein? Et quelqu'un m'a dit même qu'il y a des écoles françaises ici même au Canada. Et dans ces écoles-là, parce que soi-disant c'est des écoles laïques, j'ai entendu, bon, je ne peux pas confirmer parce que les personnes qui m'ont informé de ça, ils m'ont dit qu'ils le permettaient pas. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne le permettent pas ou parce que les enfants ne demandent même pas la permission? Parce que ça, c'est une chose que j'ai remarqué dans les pays non musulmans, c'est que parfois les musulmans s'auto-censurent eux-mêmes. Et ils s'interdisent à eux-mêmes des choses, pas parce que c'est interdit, mais parce que ils ont peur de le demander, ou ils ont peur de s'imposer. Hein? Ils ont peur, peut-être ils ont peur des représailles, ou des critiques, ou des insultes, ou des moqueries. Hein? Donc ils ne vont pas oser, par exemple, prier à l'école à cause de ça. On dit, ah, si on prie, les gens ils vont nous regarder, les gens ils vont nous juger, des gens ils vont nous dire, ah, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Et les enfants, en grande partie, ils ont une mentalité conformiste. Ils veulent être comme tout le monde, ils veulent se faire accepter par tout le monde et ne pas être différents. Hein? Et donc, c'est pour cette raison-là qu'ils vont éviter de faire quoi que ce soit qui pourrait les empêcher, justement, de faire partie du groupe. Hein? Et il y a la pression des pairs, comme on dit en anglais, hein, peer pressure. La pression des pairs, c'est-à-dire la pression des gens de leur âge qui leur imposent des choses indirectement, sans même parler. Hein? Comme si, quand tout le monde est d'accord pour quelque chose ou aime quelque chose, puis toi, tu es là, puis tu es avec le groupe, tu veux faire partie du groupe, donc tu vas dire que tu l'aimes toi aussi, juste pour te faire accepter, même si au fond de toi-même tu l'aimes pas réellement, parce que ça c'est à cause parfois du manque de personnalité, la faiblesse de personnalité, de caractère. Hein? La personne elle veut toujours avoir l'approbation des autres dans tout ce qu'elle fait. Elle veut, non, d'une certaine façon elle dépend des autres, alors que la personne qui est indépendante et qui est pas conformiste dans le sens que ça lui dérange, ça lui est égal que les gens soient satisfaits ou non de qu'est-ce qu'elle fait. Et ça, c'est en réalité, c'est le musulman. Le musulman, qu'est-ce qu'il regarde? C'est l'agrément d'Allah. Et qu'est-ce qui satisfait Allah? Si Allah est satisfait de quelque chose, alors c'est ça qui est important pour lui, même si ça déplaît à tout le monde. Et si quelque chose déplaît à Allah, eh bien, c'est ça qui est important pour lui, il va s'en écarter. Même si ça déplaît, même si c'est quelque chose qui plaît à tout le monde et que tout le monde veut que tu le fasses, si tu sais que ça déplaît à Allah, tu ne vas pas le faire, même si ça dérange tout le monde. Donc, le mu'min, sa référence l'objet de son agrément, c'est Allah Azza wa Jal seulement, pas les créatures. Donc ça, d'apprendre ça, c'est une tarbiya. En fait, ça c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Ça fait partie du sujet, mais c'est pas ce problème-là. C'est-à-dire, comme par exemple, là on est en train d'expliquer que le musulman ne doit pas envoyer ses enfants dans une école chrétienne ou juive ou laïque ou catholique ou protestante. Il doit envoyer ses enfants dans des écoles musulmanes. En principe, toutes les écoles musulmanes devraient adhérer aux principes de l'islam. Le problème, c'est que on voit qu'il y a un décalage entre les principes de l'islam et l'enseignement de l'islam et qu'est-ce qui est suivi comme programme d'éducation dans certains pays musulmans. Alors, c'est certain que s'il n'y en a pas d'école qui respecte les principes ou qui enseigne selon les principes de l'islam, alors on est devant, disons, un problème. Et là, pour trouver des solutions à ce problème-là, ça c'est une autre étape, c'est un autre niveau. Tu comprends? Mais c'est certain que s'il n'y en a pas, c'est obligatoire pour les musulmans de faire en sorte de travailler pour qu'il y en ait. D'accord? Parce que c'est une responsabilité, c'est un fard kifaya, hein? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait, et s'il n'y en a pas, c'est une obligation pour tous les musulmans de travailler ensemble pour faire en sorte qu'il y en ait. Et s'ils ne le font pas, alors dans ce cas-là, ils ont tous une part du péché, hein, du fait qu'il n'y en a pas. Mais je sais qu'il y en a, dans certains pays musulmans, il y en a des écoles musulmanes et des écoles qui enseignent les principes de l'islam et qui enseignent les sciences en général, mais qui respectent les principes de la religion musulmane, sauf que des fois c'est des écoles privées. Bah, dans les pays musulmans, c'est sûr que ça c'est encore plus obligatoire, mais dans les pays non musulmans, comme j'expliquais au dernier cours, il y a certaines écoles qui sont musulmanes. Mais ces écoles-là, sont parfois des écoles qui sont tenues par des individus qui ne sont pas nécessairement eux-mêmes sur l'islam authentique, c'est-à-dire qu'ils suivent toutes sortes de bid'ah, où ils ont des tendances d'appartenir à des groupes ou à des hizbiyin. Donc il y a des écoles, des fois c'est des écoles shi'a, ou des écoles d'ahbash, ou des écoles des ikhwan. Donc et puis derrière l'intention, c'est pas toujours d'établir l'islam réellement, c'est plus économique, tu vois. Donc le respect des règles de l'islam est pas si important que ça, malheureusement. Et tu vois que par exemple, les écoles musulmanes sont mixtes, alors qu'en principe, dans l'islam, les garçons et les filles doivent être dans des écoles séparées ou bien dans des classes séparées. Les garçons et les filles ne doivent pas être ensemble. Mais ça, ils ne l'appliquent pas. Pourquoi? Donc ça, c'est pour expliquer, yani, comment parfois ces écoles-là se disent musulmanes, mais elles ont que le nom. Hein? Elles ont que le nom de musulmans. En réalité, elles n'appliquent pas les principes de l'islam en réalité. C'est sûr que s'il y a des écoles musulmanes dans des pays non musulmans, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est un bien. On va pas critiquer ça. Au contraire, on souhaiterait qu'il y en ait le plus possible, même que dans certains pays non musulmans, ça devient une obligation pour qu'il y ait des écoles musulmanes. Comme par exemple en France, si tu dis que les enfants musulmans dans les écoles en France ne peuvent pas faire la salat, eh bien là, ça devient obligatoire pour les parents musulmans de faire en sorte qu'il y ait des écoles musulmanes pour qu'ils envoient leurs enfants dans des écoles où ils vont pouvoir faire la salate. Hein? Parce que s'ils ne peuvent pas faire la salate, là, alors ça devient interdit pour eux d'aller dans ces écoles-là. C'est comme si par exemple, je disais ça souvent comme exemple à des gens, je disais, imagine que à l'école, quand tu vas, il y a un homme qui est à la porte ou une femme avec une boîte et il te donne chaque jour un morceau de porc. Et il te dit, si tu veux rentrer, si tu veux étudier ici, chaque jour tu dois accepter de manger du porc. Sinon, on ne te laisse pas rentrer. Est-ce que tu vas accepter chaque jour d'aller à l'école dans ce cas-là? Tu vas dire non. Eh bien, de ne pas faire la salade, c'est beaucoup plus grave que de manger du porc. Donc toi, tu acceptes tous les jours de rentrer dans l'école et de pas tu acceptes de pas faire la salade. Et si je te disais, est-ce que tu vas accepter de manger du porc tous les jours pour aller à l'école, tu vas dire non, je vais pas y aller parce que le porc c'est haram. Mais de pas faire la salade, c'est beaucoup plus grave comme haram que de manger du porc. Hein? Donc tout ça pour dire, yani, les gens, des fois, c'est une question de concept. Ils n'ont pas compris le principe de l'islam. Et à cause de ça, ils vont donner à certains péchés plus d'importance qu'à d'autres, mais sans comprendre que parfois, il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Et de ne pas faire la salat, c'est beaucoup plus grave que de manger du porc, de boire de l'alcool, de faire le zina, ou même de tuer. Hein? Pourquoi? Parce que la salat, c'est le deuxième pilier de l'islam. Tout de suite après la ilaha illallah. Et en plus, la salat, c'est une adoration qui est obligatoire 5 fois par jour. Donc, ça veut dire que c'est pas comme le ramadan, par exemple, qui est une fois par année seulement, ou bien la zakat, ou bien le hajj que tu fais une fois dans ta vie. Hein? Salat, c'est chaque jour 5 fois. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas t'en échapper. Tu ne peux pas dire, par exemple, tous les jours, je ne vais pas prier à l'école. Quand c'est l'heure de la salade, je ne vais pas prier. Hein? C'est comme si tu te mets d'accord pour dire que tu vas désobéir à Allah tous les jours. Ça, ce n'est pas permis. Non. C'est que le fait que, par exemple, l'homosexualité se propage dans certains milieux lorsque, par exemple, il n'y a pas de mixité, ça n'a rien à voir avec le fait que l'école soit pas mixte. Ça, c'est un rapport avec les maladies qu'il y a dans le cœur des jeunes. Et si, par exemple, à l'extérieur de l'école, ils ont des influences, hein, ou bien ils regardent des choses, ou ils voient des choses qui leur donnent ces tendances-là, eh bien, c'est sûr que à ce moment-là, ça va avoir des effets. qu'ils soient dans des écoles mixtes ou non. Parce que dans les écoles mixtes, il y a aussi de l'homosexualité. Et il y a du zina aussi. Et les deux, c'est des, si tu parles de gravité de péché, les deux sont graves, tu vois. Et moi, par exemple, comme tu parles de l'Arabie Saoudite, moi-même, j'ai étudié en Arabie Saoudite. Et on était à l'université, j'étais à l'université islamique. Et puis, c'est possible, peut-être, qu'il y ait eu certains cas de personnes qui ont des tendances ou qui font des péchés comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose dont, que j'ai été témoin. Je n'ai pas vu de choses comme ça. Mais j'ai entendu parler de certaines personnes qui disent ça. Que, étant donné qu'ils ne peuvent pas fréquenter des filles, par exemple, puis à cause de ça, ils tombent dans ce genre de péché-là. Ça, c'est à cause de la faiblesse de la foi. Hein? Parce que ici, ils sont capables de se fréquenter, les garçons et les filles. Et par conséquent, ils tombent dans le zina. Et ils sortent avec des filles. Et ils ont des rapports et des relations intimes avec des filles en dehors du mariage. Ça, c'est haram aussi. D'accord? Donc là, par exemple, là-bas, ils vont dire, ah ben, puisqu'on ne peut pas fréquenter des filles parce que les garçons et les filles sont séparés, donc on va avoir des rapports avec des garçons. Ça, c'est un argument futile. Hein? Parce que les deux, c'est haram. Et ils vont faire quoi après? Si on les laisse avec des animaux, ils vont faire avec des animaux. Hein? Ça, c'est des gens qui ont un problème avec eux, dans leur âme. C'est pas un problème par rapport au fait qu'ils sont entourés de garçons ou de filles là, ou des choses de ce genre. Qu'est-ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'on a des principes dans notre religion et ces principes-là, on doit les respecter. Et une fois qu'on les a respectés, si par exemple on voit que certaines personnes parmi les musulmans ont des faiblesses dans le comportement ou sont tentées par des choses illicites, eh bien là c'est le temps d'aborder ces sujets-là et d'expliquer aux musulmans le danger de ces choses-là, puis la gravité du péché que ça représente. Comment tu fais pour te protéger toi-même? Bon, moi, disons que j'ai grandi ici, moi aussi. Je suis né ici, en réalité. Donc, je peux te dire que dans cette société, premièrement, la première chose la plus importante pour te protéger toi-même, dans ta foi et dans ta religion, quand je me suis converti, j'avais 16 ans, j'étais au secondaire, et je peux dire que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, même avant l'islam, Allah m'a protégé de beaucoup de choses. Allah m'a protégé de beaucoup de péchés avant l'islam même. Hein? Et je peux dire qu'une des choses qui va faire en sorte que tu puisses être protégé justement, c'est de premièrement toujours demander à Allah Azza wa Jal de te guider, et de t'aider, de te protéger. Ça, c'est la première chose, ta relation avec Allah. Et ensuite, une chose très importante aussi, bien choisir tes amis et tes compagnons. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Al-mar'u 'ala dini khalilihi » La personne sera sur la religion de son meilleur ami. Donc, si tu n'as pas des bons amis musulmans qui craignent Allah, eh bien, ils vont t'appeler à des péchés et tu risques de vouloir les suivre parce que ce sont tes amis. فَلْيَنْظُرْ أَيُّكُمْ مَنْ يُخَالِلْ Faites attention à qui vous prenez comme ami. Hein? Et de rester toujours ferme sur tes principes et sur ce que tu crois au fond de toi-même. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce que les autres pensent et peu importe si ça va leur déplaire ou non. Hein? Donc, moi, par exemple, je donne un exemple par rapport à ce que j'ai vécu moi-même. Quand j'étais plus jeune, ma mère, même quand j'étais tout petit, quand j'étais plus jeune, disons, elle m'a toujours appris que les relations avec les filles, c'est dans le mariage seulement. Parce que ma mère, disons que elle m'a éduqué avec certaines croyances chrétiennes, d'accord, avant l'islam. Puis, dans le christianisme, c'est connu que la fornication puis l'adultère, c'est interdit. malgré que la majorité des chrétiens, ils ne respectent pas la religion. D'accord? Donc ça, c'est des choses que j'avais toujours gardées. Et je me rappelle à l'époque où, quand j'étais avec mes amis, ils se moquaient de moi à cause de ça. Ils m'ont dit, ah, mais comment ça? Toi, tu sors pas avec des filles, mais pourquoi? Tu veux rester comme ça? Tu veux devenir un prêtre? Hein? Et moi je les laissais parce que ça me touchait pas en réalité qu'est-ce qu'ils disaient. Mais moi je leur disais, écoutez, ça c'est comme ça que je pense et c'est comme ça qui est bien parce que c'est la religion, c'est comme ça. Et puis quand je suis devenu musulman, ben ça s'est confirmé encore plus parce que les principes de l'islam sont encore plus stricts et encore plus clairs sur ces sujets-là. D'accord? Et ça c'est juste des exemples. Après que je sois devenu musulman, le fait que, par exemple, on prend ses distances de certaines choses, de certaines personnes, quand il y a des situations, aussi l'importance de prendre position lorsqu'on doit défendre la vérité et qu'on voit quelque chose qui est faux, qui est contraire à la vérité, de pas avoir peur de se prononcer puis de dire ouvertement qu'est-ce qu'on en pense, hein, de défendre ce qui est vrai et de condamner ce qui est faux, même si ça déplaît aux gens. Et ça, c'est une chose qui est difficile à faire parce que on n'aime pas se mettre de l'avant ou on n'aime pas s'exposer à la critique. Et je me rappelle par exemple quand j'étais par exemple en classe. Dans les cours à l'école, on avait un cours qui s'appelait FPS, et, formation personnelle et sociale. Il y avait un cours de... Notre cours, ça s'appelait... Comment ça s'appelait En tout cas, il faisait des cours d'éducation sexuelle, puis des trucs comme ça. Puis, quand il parlait d'homosexualité, eux, ils encourageaient ça. Ils encourageaient le fait d'utiliser des préservatifs. Ils disaient, ouais, il faut, quand un garçon et une fille veulent faire des trucs, ils doivent mettre des préservatifs et tout ça. Donc, moi, je disais, ça, c'est pas correct. Hein? Et à l'époque, j'étais dans une école catholique, parce que la commission scolaire, c'était une commission scolaire catholique. J'ai dit, je m'excuse, mais ici, c'est supposé d'être une école catholique. Et d'après ce que je sais, dans la religion catholique, on ne doit pas encourager les gens à faire la fornication et l'adultère, mais on devrait plutôt leur apprendre la chasteté. Hein? Donc, c'est sûr que là, toute la classe était choquée puis dérangée par ça. Et quand ils parlaient d'homosexualité, je disais, non, ça, c'est pas normal, c'est pas correct. Et là, toute la classe commence à me dire, non, qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi tu dis que c'est pas normal? Ça, c'est l'amour, blablabla. Donc le zina c'est l'amour, l'homosexualité c'est l'amour, toute la perversité ils disent c'est l'amour. Hein? Une fois on avait un professeur, je me rappelle c'était en géographie, je pense que j'étais en secondaire 3, et c'est, tout le monde dans l'école disait cette femme là c'est une femme en fait qui a été qui est devenue un homme. Non c'était un homme qui est devenu une femme pardon. Et elle a fait un changement de sexe. Alors, en fait, tout le monde disait ça, mais moi, je ne m'intéressais pas à savoir ces choses-là, tu vois. Ce n'était pas important pour moi. Mais un jour, dans la classe, il y a des élèves qui ont posé la question. Et lui ont demandé, est-ce que c'est vrai? Les gens disent ça, est-ce que c'est vrai? Alors, le prof a commencé à expliquer toute son histoire. Comment elle a changé de sexe? Comment elle était un homme, puis qu'elle est devenue une femme? Alors, moi, on écoutait son histoire, elle racontait tous les détails de son cheminement, puis comment elle a fait le changement de sexe. Et à la fin, je lui ai posé la question, je lui ai dit, et j'étais pas musulman encore, j'étais pas encore converti à l'islam, en secondaire 3, j'étais pas musulman. Et je lui ai dit, et qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense de qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pensez que la position de qu'est-ce que Dieu dit de qu'est-ce que vous avez fait de changer votre sexe? Et là, toute la classe qui ont dit, mais ça a pas rapport avec Dieu, ça a pas rapport avec la religion, mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Pourquoi? Parce que pour ces gens-là, la vie que tu vis et les décisions que tu prends et tout ce que tu fais et les choix, ça n'a aucun rapport avec ta croyance ou avec ta foi ou bien ta religion parce qu'ils ont séparé la vie de tout en fait, avec la laïcité et les croyances de ce genre. C'est-à-dire que les gens peuvent vivre comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent, et puis à la fin, finalement, il n'y a rien qui compte. Hein? Et en tout cas, moi j'ai posé cette question-là juste pour comprendre, parce que je me disais, mais comment quelqu'un peut penser comme ça, dire, moi je veux changer de sexe, je me sens femme, alors je veux devenir une femme. Comment tu fais pour savoir que tu te sens femme? Comment tu fais pour savoir que... Comment une femme se sent pour que tu dises que tu te sens femme, alors que toi, tu es un homme? Hein? Ça fait pas de sens. Et une autre fois, ils ont ramené un gars qui avait attrapé le sida et il est venu devant la classe pour donner un témoignage et pour expliquer aux élèves le danger de certaines choses. Donc, il racontait que c'était quelqu'un qui allait beaucoup dans les fêtes. Il prenait de la drogue, il buvait beaucoup d'alcool, et que des fois, il se réveillait le matin avec quelqu'un à côté de lui, il ne savait même pas qui c'était. Des fois, c'était un homme, des fois, c'était une femme. Et il dit, je ne me rappelle même pas qu'est-ce qu'on avait fait. Et là, j'ai dit, mais c'est terrible de vivre comme ça. En réalité, si quelqu'un, il suit la voie d'Allah, et qu'il respecte les principes de la religion, il ne va jamais tomber dans ce genre de problème. Mais quand les gens vivent dans l'ignorance et dans les passions et les désirs et qu'ils suivent juste leurs envies comme des animaux, ben, le résultat, c'est ça. Hein? La drogue, l'alcool et tout. Donc, c'est pour ça. Combien de parents musulmans qui sont venus vivre ici en Occident, dans les pays européens ou ici, qui ont des grands espoirs pour eux-mêmes et pour leur famille et pour leurs enfants en disant « Je veux protéger ou sécuriser l'avenir de mes enfants. » Et quand ils sont venus ici, ils ont espéré que leurs enfants allaient se diriger dans les hautes études, allaient devenir médecin, avocat ou bien je ne sais pas quoi, ingénieur ou dentiste. Hein? Puis finalement, ces enfants-là, ils n'ont aucun désir. Aucune envie de faire ce genre d'études-là. Ça ne leur intéresse pas du tout. Ou bien, des fois, ces enfants-là, ils n'aiment pas nécessairement les études. Ou ils ne sont pas nécessairement bons à l'école. Donc, ils n'arrivent pas à avoir les notes nécessaires pour atteindre ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le résultat? Parfois, certains, ils rencontrent des mauvais amis, des mauvaises personnes. Ils finissent dans la drogue, ils finissent dans... Hein? Les péchés ou toutes sortes de choses. Et puis, ils n'ont pas profité ni de la dunya, ni de rien de l'akhira, parce qu'ils ne connaissent pas leur religion, ils sont ignorants. Hein? Ils peuvent même pas, même s'ils voudraient être pratiquants, même s'ils voudraient se réformer, se changer, ils ne peuvent pas. J'étais imam sur Jean Talon, la mosquée sur Jean Talon est, là, je pense, 17e, et il y a un père de famille qui est venu me voir une fois, un musulman. Il est venu me voir, il m'a dit, il faut que tu viennes parler avec mon fils. Je ne comprends pas, il ne veut plus aller à l'école, il ne veut plus rien faire. Hein? Il prend de la drogue et tout et tout. Alors, il m'amène chez lui. Alors, je m'en vais, il habitait dans un coin à Laval. Et c'est un beau coin. Toutes des maisons, c'est résidentiel, hein, beau quartier propre, comme on dit. Toutes des maisons, là, une à côté de l'autre. Ça paraît que c'est des gens de niveau moyen, hein, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas des riches et c'est pas des pauvres. C'est des familles, niveau moyen, moyen en tout cas, revenu moyen. En tout cas, j'ai dit à moi-même, j'ai dit, mais ces gens-là, ils ont tout. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont ces enfants-là, ils ont la nourriture, ils ont une maison, un toit. Ils peuvent, s'ils veulent, leurs parents leur donnent les études. Hein? Ils payent les études pour eux. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Et même, ils sont dans un beau quartier avec des belles maisons. Mais elle est où, la mosquée? Hein? La mosquée, elle est loin. Et en même temps, est-ce qu'il y a l'éducation religieuse à la maison? Il n'y a pas d'éducation religieuse. Les parents, la seule chose qu'ils disent... Ils me disent, moi, qu'est-ce qui est important, c'est que soit il va à l'école ou soit il travaille. C'est, en fait, le problème qu'il avait avec son fils, C'est pas que son fils il fait pas la salate, il fait pas ses obligations, il sait pas de s'approfondir dans sa foi. Non, son problème avec son fils c'était juste des questions matérielles et des questions dunya. Il va pas à l'école et il travaille pas. Mais moi j'étais comme ça, puis je regardais la situation, puis je me disais, mais subhanallah, probablement que le père lui-même il fait pas la salade, hein? Et la société, la vie, comment la famille elle vit pas une vie yani qui aide l'enfant à s'épanouir spirituellement. Donc qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat? Tu peux tout avoir dans la dunya, même si t'as toute la richesse, les biens, l'argent, les belles voitures, hein, tout ce que tu désires, mais si tu n'as pas la foi, tu vas toujours avoir un vide à l'intérieur de toi-même. Ça, c'est obligatoire. Et c'est ça, en fait, ces enfants-là, ils ont un vide intérieur. Et donc, ils cherchent, hein, à remplir ce vide-là avec des divertissements, avec la drogue, hein, avec la fumée de cannabis, des choses comme ça, des jeux vidéo, et la musique, tous les divertissements, pour les détourner, en fait, hein, des choses réelles. Alors, c'est ça la question, en fait. C'est de savoir, est-ce que vraiment, pour avoir une bonne vie, et pour être de bons musulmans, et qu'on a compris réellement le but de notre existence sur terre, comme Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si tu as compris ça et que tu dois tout faire dans ta vie pour te préparer au jour où tu vas être debout devant Allah et que tu auras des comptes à rendre, hein, pour chaque mot que tu as prononcé, chaque geste que tu as posé, hein, et tout ce que tu as eu comme intention et croyance dans ton cœur, c'est à ce jour-là que tu dois te préparer fondamentalement. Tout le reste, c'est du remplissage. Hein? Donc, est-ce que les parents musulmans qui font ce choix de vie-là, cette décision, est-ce qu'ils ont pris tout ça en considération? Je ne crois pas. Et une fois, j'ai posé à une femme musulmane cette question-là. Elle critiquait certaines de mes positions, certaines de mes opinions religieuses. Je lui ai posé la question, avant de venir ici, avez-vous posé la question à un savant de l'islam ou à un cheikh, un alim, pour lui demander est-ce que c'est permis de venir? Elle m'a dit, mais je suis un adulte, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un où je veux aller ou qu'est-ce que je dois faire. Hein? Pourquoi elle pense comme ça? Parce que pour elle, elle se dit, c'est une décision que j'ai prise et ça n'a pas rapport avec la religion. J'ai choisi d'aller vivre quelque part. Hein? Mais est-ce que tu vas aller vivre, par exemple, si je te dis, est-ce que tu vas aller t'installer au Libéria, par exemple? Je te dis, ben, il faut aller vivre au Libéria, parce que là-bas, hein, là, aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi le Libéria? C'est un pays pauvre, il y a plein de problèmes, instabilité politique et des choses comme ça. D'accord. Donc, toi, tu as choisi de venir au Canada parce qu'il y a le confort, l'argent, la dunya, la stabilité politique, y a beaucoup de facilité. Mais ça, c'est toutes des choses, c'est seulement pour la dunya, c'est clair. Parce que si le Canada devient un pays pauvre et qu'il y a de la misère, et que les gens ne trouvent même plus rien à manger, et qu'il n'y a plus de travail, qu'il n'y a plus rien, tout le monde va quitter le Canada, ils vont s'en aller ailleurs. Hein? Donc ça, c'est d'un côté, le musulman, il ne va pas juste regarder pour la dunya. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il néglige absolument la dunya. Mais il y a d'autres pays musulmans où tu peux vivre de façon honorable, tu peux avoir à manger, avoir un toit, vivre ta religion en harmonie. Tu ne vas peut-être pas être aussi confortable que ce que tu as ici, mais tu vas être bien quand même. Hein? Mais les salafs, yani, subhanallah, comme par exemple Ibn Taymiyyah, je te donne un exemple, il a été emprisonné plusieurs fois parce qu'il défendait la vérité et que parfois ça dérangeait certains mubtadi'a, Donc, il lui faisait des ennuis à chaque fois. Hein? Et il lui donnait des problèmes. Alors, il se faisait arrêter à chaque fois pour des fatwas qu'il a donnés sur des sujets. Et puis, il aurait pu se dire, « Oh, mais ici, là, dans ces pays-là, il me donne des problèmes. Je vais aller vivre chez les chrétiens. Hein? Là-bas, je ne vais pas avoir des ennuis. » Il préfère être en prison dans les pays musulmans que d'être libre dans les pays de coffre. Pourquoi? Parce qu'il a, il connaît la valeur de la foi. Hein? Mais toi, tu te dis, je préfère aller vivre dans les... C'est, déjà, pose-toi la question historiquement et regarde la situation et dis-toi, quand est-ce que les musulmans ont commencé à venir s'installer dans les pays chrétiens et dans les pays non musulmans? Historiquement, quand est-ce que ça a commencé? Après la guerre, ça a commencé bien longtemps après. Et ça, c'est récent dans l'histoire. La plupart des pays musulmans où il y avait des non-musulmans, hein, et qu'il y a une grande majorité, disons, dans certains pays, il y a 50-50, on va dire. Hein. Ça, si tu observes la situation, c'est que les pays musulmans se sont agrandis. Le territoire de l'islam s'est agrandi avec les conquêtes, hein, lorsque les musulmans ont répandu le message de l'islam à travers le monde. Beaucoup de ces pays-là où ils sont allés, c'était des pays non musulmans à l'origine. Beaucoup de ces pays-là, c'était des pays chrétiens, ou même parfois des pays qui avaient déjà qui avaient d'autres croyances, d'autres religions. Beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam. Aujourd'hui, c'est devenu des pays musulmans. Hein? Tout le nord de l'Afrique, là, hein, c'était pas des musulmans. Même l'Arabie, c'était pas des pays musulmans. Tout ça, c'est devenu des pays musulmans par la suite. D'accord? Donc, en Syrie, au Liban, il y a des chrétiens, il y a des juifs dans ces pays-là. Mais à l'origine, il n'y avait pas de musulmans. Les musulmans sont venus et ils ont conquis ces territoires-là. Et les musulmans ont dirigé ces pays-là selon les règles de l'islam, avec les communautés chrétiennes et juives qui vivaient là-bas. Et l'Espagne, c'était la même chose. Pendant 800 ans, les musulmans ont dirigé là-bas selon les règles de l'islam et finalement, après, ils sont partis, hein, quand les chrétiens ont repris l'Espagne. Les juifs et les musulmans et les juifs, oui. Donc, tout ça pour dire que à notre époque, il y a eu des musulmans qui ont commencé à... Pendant la colonisation, hein, il y a eu la colonisation aussi, ça c'est un autre facteur qui a amené à ce que des musulmans viennent vivre dans les pays non musulmans. Parce que la colonisation, quand les koufars sont rentrés dans les pays musulmans, parce que les musulmans sont devenus faibles, sont devenus divisés, hein, et ils se sont attachés à la dunya, ils ont lâché leurs obligations, eh bien Allah Azza wa Jalla les a punis, en faisant en sorte que leurs ennemis puissent venir chez eux pour prendre le contrôle et s'installer chez eux. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à s'inverser. Et c'est là que après ça, quand il y a eu soi-disant les guerres d'indépendance et que certaines colonies ont pris leur indépendance, soi-disant, alors là, maintenant, certains ont gardé des attachements avec la métropole, comme on dit. Hein? Et ils retournent maintenant. Et quand tu vois les gens qui, par exemple, qui quittent leur pays musulman pour aller dans des pays non musulmans, c'est souvent le pays qui les avait colonisés avant. Hein? Comme par exemple les gens qui ont été colonisés par la France, ils vont en France. Ceux qui ont été colonisés par l'Angleterre, ils vont en Angleterre. Hein? En grande partie, c'est comme ça. Même si maintenant, ça se mélange un petit peu. Et maintenant, il y a des gens qui viennent au Canada, aux États-Unis, et ainsi de suite. Derrière ces pays-là, il y a des idéologies. Parce que pourquoi par exemple, certains pays, ils n'acceptent pas d'immigrants et d'autres, ils acceptent des immigrants. Hein? Imaginez par exemple que les pays musulmans ouvrent leurs portes à l'immigration puis qu'ils acceptent, hein, de donner la citoyenneté à tout le monde. Hein? Qu'est-ce que ça va créer comme désordre? Hein? Mais eux, les pays occidentaux, quand ils ont accepté ça, c'est parce qu'ils ont un plan derrière. Ils n'ont pas ouvert leurs frontières et leurs portes comme ça aux étrangers puis il n'y a pas de calcul qui est fait en arrière. tout est calculé, c'est-à-dire qu'ils font venir des gens ici et ils espèrent que les gens vont commencer à accepter leur façon de penser, leur façon de vivre et se conformer hein, aux principes de ces sociétés-là. C'est sûr. Sinon, ils n'auraient jamais accepté. Et c'est pour ça qu'on voit que lorsque des musulmans commencent maintenant à vouloir revendiquer plus leur islam et s'attacher plus à leurs principes, eh bien, ils essaient de plus en plus de devenir durs avec les musulmans. Et ça, on le voit par exemple en France. Et sans parler des événements tragiques qui ont eu lieu, par exemple, qui ont été faits par certains extrémistes, des actes de terrorisme et des choses de ce genre. Et ça, ça a été des catalyseurs plutôt, hein, qui ont fait accélérer les processus de répression contre les musulmans, parce qu'eux, ils utilisent les actes des terroristes que ces gens-là font comme excuse et comme prétexte pour donner plus de difficultés aux musulmans qui veulent pratiquer leur religion par la suite. Et à chaque fois que tu veux faire quelque chose de l'islam ou pratiquer quelque chose de l'islam, ils te disent « Ah, ça c'est radical. Ah, ça c'est la radicalisation. Hein? T'es un jeune musulman, tu commences à faire la salate 5 fois par jour. Ah, radicalisation. Tu commences à porter ta barbe. Radicalisation. Hein? Tu veux plus écouter de musique. Radicalisation. Je me rappelle, moi j'avais... Quand j'étais plus avant l'islam, j'avais toujours la musique hein, qui jouait dans ma maison à fort. J'écoutais toujours de la musique. Et quand je me suis converti à l'islam, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'écouter de la musique. Le voisin en haut, c'était le propriétaire, il était toujours en train de se plaindre que j'écoutais de la musique fort. Et quand j'ai cessé d'écouter la musique, il est venu me voir, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'entends plus de musique chez vous? Et il pensait que j'étais devenu fou. Et c'est là, lui, maintenant, qu'il commence à mettre de la musique fort chez lui. Alors là, je comprenais plus rien. Mais il y a des gens comme ça. Hein? C'est comme, par exemple, il y a des filles qui se sont converties à l'islam. Par exemple, une de mes cousines qui est devenue musulmane. Et... Lorsqu'elle voulait pratiquer l'islam, commencer à porter le hijab, commencer à faire la salat, hein? Et sa mère, elle vivait avec un homme à l'époque. Ce gars-là, il lui disait, parce que moi je lui ai dit au gars, parce que lui n'était pas content que ma cousine soit convertie. Alors il disait, j'aime pas ça. Pourquoi elle devient musulmane? C'est pas une religion qui est bonne parce que ça opprime les femmes, des choses comme ça. Et je lui dis, quoi, tu préférerais qu'elle sorte dans les discothèques, qu'elle aille dans les bars, des choses comme ça? Il a dit, bien oui, c'est beaucoup mieux. Là, maintenant, elle va devenir esclave d'un homme. C'est comme ça qu'il a dit. Et donc, c'est comme ça que tu vois que quand les gens n'ont pas la foi, ils voient le mal comme si c'était un bien. Et ils voient le bien comme si c'est un mal. Hein? Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un, il voit le mal comme étant mal et le bien comme étant bien? C'est seulement avec la foi. Hein? Illa man rahim Allah. Parce que chacun, on a une fitra. Et chaque être humain, il est né avec cette fitra. Au fond de lui-même, il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais la société, la famille, le contexte social peut corrompre la fitra de quelqu'un. Et l'amener à voir qu'est-ce qui est bien comme étant mal et qu'est-ce qui est mal comme étant bien. Et c'est ça qui se passe malheureusement dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'entourages. Et quand je dis que c'est mieux d'aller vivre dans un pays musulman, c'est pas pour dire que les sociétés musulmanes sont parfaites. C'est pas ça le but derrière. C'est que c'est un pays musulman, ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour essayer de faire en sorte que les choses deviennent meilleures. Hein? Mais ce n'est pas en vivant chez les étrangers ou chez les autres que tu vas faire du bien à ton pays et que tu vas faire avancer ton peuple et ta nation ou ton pays musulman. Hein? Donc, toi, tu es ici, tu jouis de tout ce que les gens ont pu faire pour essayer de faire avancer leur société. puis ta société d'origine, tu la délaisses et tu la critiques. Et tu critiques tout ce qu'il y a là-bas. Ah, là-bas, ils n'ont pas ci, là-bas, ils n'ont pas ça, là-bas, ils font ci, là-bas, ils font ça, et eux, ils ne sont pas bons. Et... Tu vois, il y a beaucoup de musulmans, c'est ça ce qu'ils font seulement. Ils quittent leur pays, ils viennent dans les pays de Kufr, puis là, ils se mettent avec la langue, commencer à juste critiquer et salir leur pays d'origine. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est de la lâcheté. Et même, c'est de la trahison d'agir comme ça. Parce que si tu les critiques, toi-même, tu fais partie d'eux. Donc, si tu es en train de dire du mal d'eux, tu dis du mal de toi-même. Et en même temps, si tu dis que toi, tu es ici et qu'eux, ils sont là-bas, eux, ce ne sont pas bons. Toi, qu'est-ce que tu fais pour les aider? Qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation? Tu fais rien, sauf battre ta langue, comme on dit, hein, pour les salir encore plus. Devant qui? Devant les ennemis de l'islam. Et les ennemis de l'islam, ils t'applaudissent et ils sont contents de toi parce que tu fais du bon travail pour eux. Tu es un ambassadeur pour leur société. Hein? Donc, les gens, ils sont en train de... Ils réalisent pas la situation et ils réalisent pas la réalité des choses. On est sorti du sujet, malheureusement, mais c'est pas grave parce que c'est toujours... ça a un lien quand même avec le sujet. J'avais juste terminé le passage que j'étais en train d'expliquer hein, dans les paroles de Cheikh Saadi. Et puis après, on arrêtera. Donc ici, le Cheikh, il explique, il dit, donc malheur pour toi, comme on a dit, d'avoir perdu tes enfants et d'avoir perdu, tu les as perdus dans le sens que tu ne leur as pas enseigné la religion, tu ne leur as pas enseigné le comportement et les pratiques de l'islam. Et une autre raison pourquoi il y a un malheur sur toi, c'est parce que tu as fait le crime de les laisser entre les mains des ennemis de l'islam. Et j'ai parlé la semaine passée comment, quand on est à l'école, imagine que tu es dans une classe avec plein d'élèves qui ne sont pas musulmans, et ton professeur, qui n'est pas musulman aussi, et qui se met à critiquer l'islam, à critiquer les règles de l'islam et les règles de la charia devant toute la classe. Et toi, tu es là. Et tu ne peux rien dire. Et tu ne peux rien faire. Il dit, ah, mais les musulmans, c'est des sauvages, c'est des fous. Ils coupent la main des voleurs. Ils lapident les gens quand ils font l'adultère. Quand ils font, hein, ils vont dire, quand ils font l'amour. Parce que pour eux, le zina, c'est l'amour. Hein. Donc, ils vont dire ça. Et toi, tu es là. Tu vas dire quoi? Hein? Donc, tu peux dire au professeur, monsieur, qu'est-ce que tu ferais si tu rentres chez toi, tu vois ta femme avec un autre homme? Tu vas faire quoi? Hein? Peut-être tu vas la tuer, tu vas tuer le gars aussi. Puis après, tu vas te tuer toi-même. Hein? L'islam, il dit non, on ne fait pas comme ça. Hein? Oui. L'enfant, il ne va pas penser à répondre comme ça. Hein? Moi, je me rappelle parce que mon père, Yanni, il avait beaucoup d'idées libéralistes comme ça. Mon père, c'est un homme qui est très libéraliste. Et il n'est pas religieux du tout. Et lui, il est toujours en train de défendre les idées libéralistes des koufars. Donc, à chaque fois, quand il parlait de l'islam, il disait, mais votre religion, c'est comme ça, votre religion, c'est comme ça. Alors là, je le mettais toujours devant une situation, devant des réalités de la vie. Qu'est-ce qu'il ferait par rapport à ces situations-là? Et là, je mettais après sa réaction en parallèle pour dire, bon, tu critiques l'islam et tu dis que les musulmans, ils ne devraient pas faire ça. Toi, dans telle situation, tu ferais quoi? Et c'est là que tu vois que sa position-là, elle n'est pas solide. Et il ne sait pas vraiment lui-même sur quoi il se base pour établir que son attitude envers l'islam ou sa position envers l'islam, son jugement des règles de l'islam, elles sont trop strictes ou trop sévères. Parce que lui-même, il a pas de position claire. Et quand tu le mets devant un contexte qui est difficile, là, il sait plus comment répondre. Hein? Donc ça, c'est des exemples pour faire comprendre que beaucoup de gens critiquent les règles de l'islam, mais si tu le mets devant les faits, devant les situations, tu vois que eux-mêmes ils vont être d'accord avec les règles de l'islam et ils vont approuver que qu'est-ce que l'islam enseigne, c'est vrai. Hein? Mais à cause de parfois l'attitude qui est propagée dans la société ou les idées qui sont véhiculées par les médias, à cause de ça, ils vont avoir une attitude péjorative envers l'islam. Ils vont avoir une attitude négative envers les musulmans et l'islam, justement parce que la façon comment les choses leur sont présentées dans les médias. Souvent, la réalité, elle est déformée. Quand ils parlent de l'islam, ils donnent une partie de la vérité, puis ils cachent l'autre partie. Ils ne te donnent pas toute l'information complète. Hein? Donc, quand tu vois ça, par exemple, la lapidation, hein? Ils te disent, eux, ils pensent que les gens, ils vont attraper une personne qui fait la lapidation, hein? Des citoyens, des gens dans la rue comme ça, ils vont attraper quelqu'un, dire, ah, lui, il a fait le zina. Là, ils vont le prendre, ils vont l'amener en plein milieu de la rue, et là, tout le monde va ramener des roches, et là, tout le monde va commencer à lui lancer ça, puis là, ils vont le tuer comme ça. Oui, eux, ils ne savent pas qu'il y a des règles, il y a des conditions, et il faut que la personne soit jugée, il faut qu'il y ait un tribunal, il faut qu'il y ait des témoins, hein? Et il faut qu'il y ait minimum 4 témoins. Et il faut qu'ils aient vu l'acte explicitement. Ce n'est pas juste qu'ils pensent avoir vu ou qu'ils ont vu un homme et une femme ensemble. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'ils aient vu les choses clairement. Oui, dans Sourate An-Nur. Mais bon, les gens, ils présentent ça. La même chose pour le fait de couper la main des voleurs. Ils ne savent pas les conditions. Ils ne savent pas qu'il y a des règles à ça. Et ainsi de suite. Mais eux, c'est pas leur but, c'est pas d'expliquer. Leur but, c'est de dénigrer. Et quand quelqu'un veut dénigrer, il caricature. Il fait une caricature de la réalité pour se moquer. D'accord? Parce que c'est pas des gens sincères. Ils sont pas sincères du tout. D'accord? Donc, la réalité, c'est ça. Donc, toi, si tu es un jeune musulman, tu es dans cette classe, tu connais pas ta religion, et tu entends les gens qui se moquent, tu vas avoir honte. Hein, tu vas être gêné. Et même peut-être que tu vas être tellement gêné que tu vas commencer à remettre en question ta croyance et remettre en question même ton attachement à l'islam. Ou bien tu vas commencer à nier. Il y a beaucoup de musulmans, quand ils sont placés devant ce genre d'informations-là, ils ont un réflexe systématique de renier tout. Hein? Vous, quelqu'un, un non-musulman, dit, vous, dans votre religion, vous dites ça, hein? Ils disent, non, c'est pas vrai. Alors que c'est vrai. Hein? Il ne faut pas nier systématiquement, il faut analyser la critique et voir qu'est-ce qui est dit, c'est quoi qui est reproché réellement. Et après ça, regardez dans les textes, qu'est-ce que les textes disent réellement dans le Coran et dans la Sunna, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié, comment les sahaba l'ont compris, comment les ulama l'ont clarifié, et quelles conditions s'appliquent à l'application de ce principe-là et de ces règles-là. Et ensuite, là, on peut leur dire, voici la réalité sur ce sujet-là. Et voici ce que l'islam dit réellement sur ça. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas du tout la même chose. Mais pour ça, ça prend de la science. Et celui qui n'a pas de science, il n'est pas capable de faire ça. Hein? Donc, c'est ça le malheur, en fait. Et donc, c'est pour ça. Et donc, il dit, tu les jettes. Hein? Et tu envoies tes enfants chez ces gens-là, ils leur enseignent ce qu'ils veulent, et ils veulent même les faire sortir de leur religion. Alors il dit, qu'est-ce que tu penses d'un enfant qui est jeune, son esprit est encore faible, hein, il a peu de compréhension, hein, et tu le mets entre les mains des gens qui ont une animosité envers ta religion, hein? Alors, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour essayer de lui transmettre et de lui, inculquer leurs valeurs et leurs idées. Et même parfois, il y a des profs, c'est des athées. Hein? Combien de fois j'ai eu des profs, même, c'est des athées? Hein? Même à l'époque où, quand je n'étais pas musulman, j'avais des profs d'enseignement religieux, catholique, qui ne croyaient même pas en la religion catholique. Une fois, il y en a un même parmi eux qui nous a dit, vous savez, tous ces miracles-là qui sont mentionnés, que Jésus a marché sur l'eau, la mer morte, il y a beaucoup de sel dedans, donc c'est facile de flotter, en voulant dire, ce n'est pas un miracle. Et il nous disait, Quand Moïse il a traversé la mer Rouge, il est passé par un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il a pu traverser. Ouais, ben c'est ça. Comment ça se fait que s'il n'y avait pas beaucoup d'eau, Pharaon et toute son armée ont été noyés par la suite? Hein? Mais c'est pour dire, Yanni, ces gens-là, ils ne croient pas. Donc ça, c'est un malheur, en fait. Et puis, tu vois, certains musulmans, quand ils parlent avec ces gens-là, ils essaient de leur parler pour leur dire qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Donc, ils vont même parfois critiquer la pratique religieuse et la religion et l'islam pour se faire accepter par ces gens-là. Hein? Donc, ils deviennent comme des, ils agissent comme des hypocrites, en fait. Allah al-Musta'an. Donc, il dit, le cheikh, avec cette grave ignorance, hein, les enfants, ils vont dans ce milieu-là, puis ils se perdent. Et il dit, et il pense, c'est-à-dire le père qui envoie ses enfants dans ces écoles-là, il pense qu'il va donner à ses enfants un niveau élevé dans la dunya, des postes, yani, évolués, qu'il va devenir quelqu'un d'important et avoir de l'influence, hein. Il dit, alors qu'en réalité, ça se limite pas que à ça. Et que, avec parfois tout ce qu'il y a justement comme milieu dans ces sociétés-là, yani, parfois les enfants, ils délaissent complètement même les études. Hein? Ils se perdent dans les péchés. Hein? Allah al-Musta'an. Et puis, c'est arrivé à beaucoup de familles, malheureusement. Donc, dernièrement, on a eu certaines situations où des jeunes filles musulmanes qui commencent à s'intéresser à l'islam, eh bien, parce qu'elles veulent maintenant se voiler et elles ne veulent plus aller dans des écoles mixtes, donc là, leurs parents leur donnent des problèmes. Et ils pensent que leur fille est devenue folle, que leur fille commence à se radicaliser, hein? Et qu'ils pensent que... Parce qu'ils confondent entre pratique de l'islam et extrémisme. Et ils ne distinguent pas entre les idéologies des khawarij, des takfiriyin, et des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda, qui prônent le terrorisme et les idées de destruction. Ils confondent entre ça et le fait de s'accrocher à l'islam et à suivre l'exemple des sahaba et pratiquer le Coran et la sunna. Selon l'exemple des ulama, c'est ça qui est un grand problème. Et beaucoup de parents musulmans, et pas seulement les parents, mais les musulmans en général, ils connaissent même pas qui sont les ulama de l'islam dans le monde. Hein? Si tu leur demandes, cite-moi 2-3 alim parmi les ulama dans la umma, ils connaissent pas. Donc si tu connais pas les ulama, alors que les ulama c'est eux qui pratiquent mieux et qui connaissent mieux l'islam, donc comment tu vas être capable toi-même de savoir c'est quoi la bonne pratique de l'islam? Hein? Comment tu vas être capable de distinguer entre ce qui est extrémiste et ce qui ne l'est pas? Si ta référence, c'est qu'est-ce que les koufars ils disent dans les nouvelles, ou à la télé, ou dans les journaux. Hein? Un extrémiste, c'est quelqu'un qui porte la barbe, hein? qui porte le kamis, il ne se mélange pas avec les femmes, il n'écoute pas de musique, il fait les prières 5 fois par jour, il ne mange pas de porc, il ne boit pas d'alcool, ça c'est un extrémiste. C'est quelqu'un qui est radical. Ajib. Alors que ça, c'est le minimum, c'est des pratiques minimum de l'islam. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dirait des pieux parmi les grands ulama et les grands. Hein? Et à propos, qu'est-ce qu'il dirait en regardant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba? Donc, c'est ça notre référence. Tu veux savoir c'est quoi un musulman modéré? Regarde le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Regarde les Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ça, c'est des musulmans modérés. Radiallahu anhum. Si quelqu'un il essaie de dépasser l'exemple de qu'est-ce que les sahaba ont fait, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait, et il ramène des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, Omar, ils ne faisaient pas, alors là, tu vas dire, oui, ça, c'est de l'extrémisme. Mais si c'est des gens qui veulent dire... Ben, on va finalement faire ce qu'on veut. Tout est halal et puis il n'y a pas rien de haram. Puis la seule chose que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas manger de porc. Si tu ne manges pas de porc, tu vas aller au paradis. Le reste, c'est pas grave. Oui, il y a beaucoup de musulmans ici, c'est ça. C'est-à-dire, tu veux être un bon musulman, mange pas de porc. Le reste, c'est pas grave. Même si tu ne fais pas la salate. As-salallahu al-afiyah. Donc, on doit revoir hein, tout ça. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Et, Inch'Allah, on va y revenir. On n'avance pas vite. Je pense qu'on va arriver à peut-être 30 ou 40 cours. L'important, c'est qu'on en tire un bienfait et que ça nous amène à s'améliorer dans notre foi, dans notre religion, Inch'Allah. C'est ça l'important. Et puis que Allah Azza wa Jal nous aide à voir plus clair dans la réalité. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde actuel qui nous embrouillent hein, les choses, qui nous embrouillent dans notre compréhension, qui nous embrouillent dans notre façon de voir les choses. Et on est parfois un peu confus dans tout ça. On a besoin de la lumière de l'islam, la lumière du Coran, la lumière de la sunna pour nous aider à bien juger et bien analyser. Et bien comprendre. Et parfois, on a un manque de connaissances. On est obligé de revenir aux ulama pour nous expliquer, pour nous aider à mieux comprendre. Quand j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé en France, quand les jeunes filles qui voulaient faire la salat, quand j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé de la part de certains musulmans en France qui critiquaient ces filles-là parce qu'elles avaient fait la salat. Mais c'est des musulmans pratiquants qui les critiquaient. C'est des frères, des sœurs qui portent le djilbab, les sœurs qui portent le djilbab et les frères qui pratiquent, qui portent la barbe, qui font la salat, puis qui critiquaient ces filles-là d'avoir prié dans l'école, comme s'ils avaient fait un péché, là. Alors, ils ont carrément essayé de dire que c'était de la provocation, qu'est-ce qu'elles faisaient, alors qu'elles ne faisaient que faire qu'est-ce qui est obligatoire. Alors, si ça c'est de la provocation, alors, subhanallah, c'est la provocation obligatoire. Hein? Comme si... En tout cas, il y a beaucoup de choses qui restent à lire dans le texte. Inch'Allah, on va laisser ça pour d'autres occasions. Pendant le ramadan, je ne sais pas, peut-être on peut continuer après le Jumu'ah pour ce cours-là. Mais sinon, on va avoir un autre programme différent pendant le ramadan. Tous les jours, ça va être le tafsir. On va faire la semaine. Tafsir, là, on fait Sourate An-Nisa parce que c'est là qu'on est rendu. Et donc, on va faire ça. Puis le week-end, il y aura peut-être Ad-Dawa Ad-Dawa le dimanche. Puis le samedi, Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin le samedi. Puis peut-être que le vendredi, on pourrait continuer cette conférence-là parce que c'est un sujet qui est important. Puis ça réveille un peu les esprits, comme on dit là. Ça remet les horloges à l'heure. Donc c'est ça. Et avant le ramadan, la semaine prochaine, on va faire une semaine de préparation aux règles du ramadan. Donc ça va être... Peut-être à partir de mardi, Inch'Allah, on va commencer avec un livre simple. On va faire les règles du ramadan. Puis c'est ça. Donc, on espère que Allah Azza wa Jal nous permette de vivre jusqu'au ramadan, puis de pouvoir en profiter pleinement, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته